Ce qui arrive, c'est qu'au début, quand les gens tombent là-dedans, il va y avoir des fois certaines structures qui vont lâcher. Ils se rendent compte de certaines choses. Puis ce qui va arriver, c'est que ils vont tomber dans une forme d'enthousiasme. Puis une forme même des fois d'euphorie. Il faut se méfier de l'enthousiasme, de l'euphorie que ça peut engendrer. Parce que, bien franchement, c'est possiblement le parcours le plus miné. C'est dans les milieux les plus minés. C'est un milieu qui est réellement un panier de crabes. Puis c'est un terrain miné. Donc, le supramental réel, il est au niveau d'un parcours lié à vous dans votre expérience. Vous allez voir que c'est comme avancer dans le vide. Puis, à chaque fois que vous mettez un pas devant vous, le sol apparaît à mesure. Faut pas vous en remettre à qui que ce soit. Puis, il peut y avoir des accompagnements, il peut y avoir des choses comme ça, mais de pas être naïf. Puis aussi, partir de l'idée que vous êtes naïf, parce que c'est un petit peu l'aspect profond de base de l'être humain, la naïveté par rapport à tout ce qui est invisible, tout ce qui est pas intégré.